Bonjour, donc tout d'abord, je dois vous signaler quelque chose. Enfin, ma communication ne portera pas uniquement sur les rapports entre le film Festival panafricain d'Alger et l'Afrique lusophone, mais aussi sur d'autres aspects liés à plusieurs espaces du continent africain et à cette lutte de libération. Sans m'interdire aussi quelques petites comparaisons avec des filmographies ou des documentaires qui sont issus d'autres continents et ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, donc l'Asie ou l'Amérique latine. Au départ, donc, William Klein a reçu une proposition d'officiel algérien qui préparait une grande manifestation artistique et populaire et politique. Il s'agissait de filmer le premier festival panafricain qui s'est tenu à Alger en juillet 1969. À l'époque, le souvenir de la longue guerre d'indépendance algérienne est encore très présent dans les mémoires. La guerre s'est terminée en 1962 et le FLN, donc Fonds de Libération Nationale, a servi de modèle à plusieurs mouvements de libération dans le monde entier. Dans les années 60 et 70, la capitale algérienne est alors un lieu de rassemblement des mouvements de libération et le pays accueille aussi parfois des militants portugais qui sont opposés au régime de Salazar, des membres des Black Panthers. Deux documentaristes, Cordian Troeller et Marie-Claude Desfarges, ont d'ailleurs tourné un film documentaire sur les mouvements de libération à Alger en 72. Pour le spectateur ou le militant de l'époque, comme pour l'historien, Festival panafricain d'Alger et Eldridge Cleaver Black Panther, les deux films tournés par William Klein en Algérie autour de l'été 69 ont au moins un intérêt double. Ils proposent d'une part un regard filmique sur un événement culturel et politique, à savoir donc le festival de 69, ou sur une personnalité politique alors en exil à Alger, en l'occurrence Eldridge Cleaver. Les deux films tentent aussi d'établir des connexions entre le mouvement Black Panther et les mouvements de libération du tiers-monde, en Afrique ou en Asie à travers le Vietnam. Et ils s'inscrivent dans une histoire de cinéma que j'appellerais donc la constellation des films dédiée à la libération africaine. Mais pourquoi l'Algérie indépendante a-t-elle fait appel à des cinéastes non africains pour un tel projet, un projet donc à la gloire de la libération de tout le continent, et plus largement, un projet qui a clairement à voir avec le panafricanisme. Donc je rappelais donc William Klein, donc c'est donc William Klein, un cinéaste photographe d'origine nord-américaine qui vit en France, qui s'est occupé de donner une cohérence à un très grand nombre d'images. Car Festival panafricain d'Alger réunit un riche matériel visuel et sonore composé d'affiches, de photographies, de dessins, de prises de vue filmées en divers lieux, images d'archives et luttes anticolonialistes en Afrique qui ont été extraits souvent de reportages, de films de montage antérieur, dont L'aube des damnés de Rajdi proposait déjà une sélection, et à toutes ces images antérieures s'ajoutent des séquences qui ont été tournées en direct durant le festival de 69. On trouve aussi donc des entretiens dans le matériel du Festival panafricain, des scènes de répétition, des concerts, des déclarations. En 67, William Klein avait déjà participé au film collectif Loin du Vietnam, qui a été coordonné cette fois par Chris Marker, en compagnie notamment de Joris Stevens, Jean-Luc Godard, Alain Renner, Roger Pic, Michel Rec ou Agnès Varda. Et Festival panafricain a aussi bénéficié d'expériences d'un certain nombre de techniciens talentueux ou engagés, tels que la monteuse Jacqueline Mépiel, les opérateurs Bruno Muel, Yann Lemasson, Pierre Lhomme, l'ingénieur du son Antoine Bonfanti, Harold Maury, qui sont mobilisés aussi pour mettre leurs compétences techniques au service des luttes ouvrières dans les films du groupe Medvekine et de l'anti-impérialisme, et donc de la décolonisation africaine via Festival panafricain d'Alger. Yann Lemasson, par exemple, a tourné J'ai 8 ans, qui est co-réalisé avec Olga Polyakov, ne l'oublions pas, en 1961. Il s'agit d'un des rares films tournés par des Français qui s'affiche ouvertement comme un film favorable à l'indépendance algérienne. Dans sa filmographie, on peut aussi évoquer Sucre amer, sur le néocolonialisme à La Réunion, ou Kashima Paradise, qui a été co-réalisé avec Benny Desparte et qui est accompagné d'un commentaire de Chris Marker. Bruno Muel était opérateur sur Algériane Zéro de Marceline Loridan Evans et Jean-Pierre Sergent. En 62, donc 62 c'était le film, il a aussi tourné Camilo Torres, Sanga, sur l'exploitation du diamant en Centrafrique, Guerre du peuple en Angola et Aluta Continua avec Antoine Bonfanti et Marcel Trier. Alors je signale qu'un hommage lui a été rendu récemment dans un festival de cinéma lillois auquel assistait Bruno Muel. Jacqueline Mépiel est une monteuse qui vit à Cuba depuis plusieurs années et tous sont des techniciens expérimentés qui ont à leur actif beaucoup de films d'intervention. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que des techniciens sont crédités comme collaborateurs de William Klein à la réalisation, Antoine Bonfanti, Jacqueline Mépiel, les opérateurs Yann Lemasson et Pierre Lhomme, ainsi que deux cinéastes algériens, Ahmed Lalem et Slimane Riyad. Cet élément rend compte du caractère collectif du film, Festival panafricain d'Alger. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on a tendance un petit peu à oublier. On l'attribue trop de manière unilatérale, de mon point de vue, à William Klein, alors que j'ai l'impression qu'il s'agit d'un vrai travail collectif. Et la volonté d'effectuer un travail collectif qui remet en question, bien sûr, la division du travail traditionnel, avec d'un côté le réalisateur, de l'autre les techniciens. Alors à nouveau, on peut se demander pourquoi les Algériens qui se considèrent alors ou se perçoivent comme l'équivalent de Cuba pour l'Amérique latine ou du Vietnam pour l'Asie, pourquoi ont-ils fait appel à une majorité de cinéastes et techniciens européens? D'autant plus qu'à l'époque, le cinéaste Djibril Diop Mambéty était bien présent à Alger durant le Festival 69, mais il n'avait pas encore de long métrage à son actif, tandis que son compatriote Ousmane Samben était au même endroit et lui présentait ses films à la Cinémathèque d'Alger. Et il était venu pour débattre avec le public. D'après un cinéaste algérien, Mourad Bouchouchi, le pays ne possédait pas encore de techniciens suffisamment expérimentés en 69 pour mener à bien un projet d'une telle ampleur que le tournage de Festival panafricain. Un tournage qui nécessitait plusieurs équipes techniques et même des prises de vue d'hélicoptère. Il fallait disséminer les équipes en divers endroits pour immortaliser les processions et les défilés des délégations, les concerts et les interventions de leaders politiques à la tribune. Pour les commanditaires algériens du film, donc Mohamed Sédik Ben Yahia, ministre de l'Information, et Mohamed Sadiek Moussaoui, secrétaire général du ministère de l'Information, l'essentiel était de financer un film de prestige international, diffusant les options de sa politique extérieure, alors résolument solidaire des mouvements de libération et prenant un ordre international plus juste à l'égard du tiers-monde. Toutefois, plusieurs cinéastes et techniciens algériens étaient bien présents sur le film, notamment Ahmed Lalem, qui est auteur d'un documentaire remarqué qui s'appelle « Elle », qui interroge donc un groupe de jeunes filles, de jeunes lycéennes algériennes sur leur devenir, leurs aspirations. Et après, il a fait d'autres films. Et aussi une manière aussi de montrer leur vision de la société dans l'Algérie des années 60. Il y a aussi Rabah Laradji, Mohamed Bouamari, qui a tenté de lancer le cinéma djadid, et le terme qui a été repris par Guillaume Bell. C'était un jeune cinéma à petit budget, audacieux et créatif, dans la lignée du cinéma nouveau-brésilien. Ou le réalisateur Slimane Riad, souvent en fait on l'appelle Slim, l'opérateur Ali Marok, donc, qui était assistant sur un long métrage ambitieux qui était la bataille d'Alger de Ponte Corvo, et qui était opérateur sur un film de René Vautier, dont je vais vous montrer un extrait tout à l'heure. Et il y a aussi un technicien qui s'appelle Nasreddine Genifi, c'est un opérateur qui avait réalisé Peuple en marche, avec René Vautier et Rajati. Pour autant, il ne faut pas avoir une vision simplement idyllique, mais c'est un grand événement. J'ai lu récemment, dans un ouvrage consacré à l'acteur et réalisateur Mohamed Zinet, que William Klein voulait que ce cinéaste, cet artiste tout simplement, participe au film, mais apparemment l'ONCIC, l'organisme du cinéma, l'équivalent de l'ICAIC cubain, lui a refusé. Ça c'est quelque chose à confirmer, et comme Mohamed Zinet a disparu, ben, on ne peut pas avoir un autre point de vue. Et sinon la participation aussi de Sarah Maldoror, cinéaste d'origine guadeloupéenne, que nous aurons la chance de voir et d'écouter demain. Donc Sarah Maldoror, qui est l'une des rares cinéastes qui avait consacré des films de fiction. Ça, je le signale parce que c'est assez rare. Donc des gens qui se confrontent à la fiction aussi. Donc, excusez-moi, j'étais un peu troublé. Consacré des films de fiction au lieu de libération des colonies, alors sous domination portugaise. Alors je cite par exemple Mogalambé, donc en 69, sur l'Angola, Des fusils pour Banta en 70, donc un film qui a eu une jeunesse difficile, donc j'espère qu'on pourra pouvoir le voir un jour, qui a été tourné dans des maquis de Guinée-Bissau, et il y a aussi Sambizanga, qui est tourné au Congo, mais qui est consacré à l'Angola. À la différence des documentaristes ou des reporters, comme par exemple José Massip, le Cubain qui a fait Madina Boé, dont certaines images sont reprises dans Festival panafricain d'Alger, Mario Marrette, donc on voit aussi des images dans le film et dans aussi Sans soleil de Chris Marker, ou Tobias Engel, qui a été évoqué ce matin par Nicole René, qui est co-réalisateur de Nopincha. Sarah Maldoror a préféré opter pour la fiction en évitant les discours grandiloquents et en s'intéressant à des éléments liés à des questions culturelles, aux malentendus coloniales et à la manière dont les gens du peuple vivent intimement les événements historiques. À présent, je vous propose de situer Festival panafricain dans la constellation des cinémas de libération d'Afrique et du tiers-monde. Donc, Festival panafricain d'Alger est tourné en 69. Donc, c'est le moment où des films en provenance du tiers-monde circulent à l'échelle mondiale. Ceux de Ousmane Samben, Glover Rocha, Thomas Gutiérrez Alea, Jorge Sanz Rines, Mohamed Lakhdar Amina, Santiago Alvarez, parmi beaucoup d'autres. Il y a aussi donc Medondo, Samador que j'avais cité. Et ces cinéastes, souvent, sont présentés dans le cadre des nouvelles vagues, des nouveaux et des jeunes cinémas du monde entier, qui qui ont émergé à partir de la fin des années 50 et au début des années 60. J'utilise volontairement pas seulement en référence à la nouvelle vague dite française, parce que c'est un mouvement pour moi qui est beaucoup plus global et général à cette époque-là. Et une autre tendance qui retrouve aussi un second souffle à cette époque, c'est le cinéma militant, d'intervention sociale ou à visée révolutionnaire. Donc j'avais pas encore vu ce matin l'introduction d'une autre branche et d'un questionnement intéressant en particulier. Donc c'est un cinéma militant, donc je garde le titre général, qui vit son âge d'or autour de la deuxième moitié des années 60-70. Donc il y a par exemple La Hora de los Hornos, L'heure des brasiers de Fernando Solanas, Hour of the Furnaces, qui est emblématique de ce courant international. Et c'est probablement une influence directe de Festival panafricain d'Alger. Les deux films ne sortent pas de nulle part. Donc L'heure des brasiers et Festival panafricain, ils synthétisent, repensent, radicalisent et dialectisent ce qui précédait en matière de films militants, en prise avec une situation et un espace donné, l'Afrique ou l'Amérique latine en l'occurrence, pour l'inscrire dans une nouvelle histoire du cinéma et de la politique. Par ailleurs, ils tentent chacun de susciter une réflexion en vue d'une mobilisation et de donner une direction à un processus, à un mouvement non achevé, avec une fin ouverte dans les deux cas, qui sous-entend que l'avenir dépendra de l'action des masses et des spectateurs. Dans le cas de l'Afrique, on peut dire aussi qu'il y a un précédent qui était l'objet d'année de Ahmed Rajdi qui a été fait en 65 avec la collaboration non créditée de René Vautier et d'autres personnes qui s'articulait aussi autour d'un ensemble de problématiques telles que l'émancipation, la libération et la solidarité continentale, des problématiques qui recèlent de multiples aspects. Et il y avait aussi une dimension essayiste qui n'est pas négligeable car l'homme des damnés comme Festival panafricain en 69 partent d'une réflexion sur l'art africain. À ce propos, souvenons-nous du travail précurseur d'Alain René et de Chris Marker dans Les Statues meurtes aussi, qui a été commandé par la revue Présence africaine en 1953, un an avant le début de la guerre d'indépendance algérienne. La démarche, avec le montage d'archives, détournement, retournement de celle-ci, est parfois étonnamment proche de Pourquoi nous combattons, le film collectif tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment Franz Capra et Anatole Litvak. En 1965, la libération d'une partie importante du continent est achevée, à l'exception des colonies portugaises, de la Namibie, du Zimbabwe, alors appelée Rhodésie du Sud, et la question de l'apartheid n'est pas encore résolue en Afrique du Sud. Au niveau rhétorique, dans le Festival panafricain, on passe systématiquement du souvenir récent de telle guerre de libération d'Algérie, par exemple, à telle autre, avec la lutte du Frelimo. On passe de la lutte contre le colonialisme à la lutte contre le néocolonialisme, d'un petit dénominateur comme le colonialisme à un plus grand, l'impérialisme, d'une situation régionale ou nationale à une situation continentale. Donc c'est comme des cercles concentriques. Pour ces films, ce qu'il s'agit de faire comprendre en priorité, en effectuant des rapprochements de situations pays par pays, c'est le mouvement général vers la libération de tout un continent. L'objet d'année et le film donc, qui a été coordonné par William Klein se situe dans la pensée dans la ligne de pensée de Frantz Fanon de Pour la Révolution africaine et des damnés de la Terre, dont il tente de retrouver le souffle, voire même de matérialiser les espoirs dont ces textes étaient porteurs. Toutefois, l'objet d'année perdait un peu de son efficacité, selon moi, avec sa voice-over envahissante en langue française, donc ni en arabe local ou littéraire, ni en langue berbère, et sa diction assurément très datée, voire radiophonique très théâtrale, volontiers grandiloquente. Festival panafricain d'Alger semble beaucoup plus moderne sur ce point, même si la principale langue utilisée est encore le français. Amilcar Cabral s'exprime dans cette langue, ainsi que les militants angolais du MPLA ou plus dramaturge sénégalais Cheikh Aliou Andao, dont la pièce « L'exil d'Al-Bouri » nous est présentée dans le film. Mais je tiens à signaler que cet auteur donc, sénégalais a écrit des textes aussi en Wolof, donc une des langues parlées au Sénégal. Et cette langue dans le film coexiste avec l'anglais, donc Ted Jones, Archie Shepp, des Sud-Africains utilisent l'anglais. L'arabe, donc il y a une scène avec le discours du président de l'époque, Boumediene. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout filmé comme l'iconographie de Brejnev sur la place rouge. C'est une intervention parmi d'autres, donc il n'y a pas de soumission ou de révérence par rapport au leader, qui est assez notable dans le film. Et il y a aussi les langues africaines avec la chanson, bien sûr, de Myriam Makeba. À la différence classique, donc l'élément didactique n'est plus assuré dans le Festival panafricain par un commentaire oral souvent pesant, envahissant et parfois monotone pour le spectateur. Donc ce genre de commentaires qui vient parfois étouffer et réduire la portée des images. Festival panafricain, il opte plutôt pour le montage d'images d'archives, extraits de documents visuels, tels que Algérie en flammes, Comeback Africa, Sanga de Bruno Muel, Madina Boé de Massip. Donc cet ensemble de films crée une constellation, une histoire du cinéma méconnue, associée à la libération de l'Afrique. De plus divers éléments, donc des intertitres animés, usage de dessins, photographies, affiches, images arrêtées, recadrages, séquences de cinéma direct, s'ajoutent à tout ça et renvoient à d'autres perspectives. Le résultat est très dynamique, notamment grâce à l'utilisation qui est faite du montage et le jeu sur les intertitres qui ressemble à l'utilisation graphique des inscriptions écrites dans les films soviétiques d'avant-garde des années 20 et surtout à leur relecture par le cinéma révolutionnaire d'Amérique latine des années 60, incarné par des cinéastes tels que le cubain Santiago Álvarez ou l'argentin Fernando Solanas. Comme le réalisateur de La Hora de los Hornos, William Klein affectionne aussi les citations de texte. Donc, il y a par exemple Frantz Fanon, Sékou Touré, Agostino Nieto, et leurs films respectifs sont agencés en chapitres, comme autant de grandes parties d'un essai ou d'un traité, au nombre de 4 dans le film de William Klein. Donc normalement, c'était premier festival panafricain à la culture au départ, ensuite préparatif, ensuite mouvement de libération d'Alger, et la quatrième partie ne portait pas de titre, juste le chiffre 4, ce qui induisait une fin, une dynamique et un processus ouvert. Le film se termine sur le pari suivant, la culture africaine sera révolutionnaire ou ne sera pas. Et sur la photo d'esthétique très tricontinentale, d'un jeune guerriero portant une rangée cartouche de mitrailleuse en bandoulière, avec un sourire incarnant alors l'espoir d'un continent. Cependant, la structure globale de Festival panafricain d'Alger n'est jamais trop rigide. On n'a pas l'impression d'assister à une pénible succession de mots d'ordre, mais plutôt face à une espèce de patchwork lumineux, tour à tour immergé dans l'esthétique du pamphlet, de l'agite propre et du cinéma direct. Un montage très rythmique, parfois rapide et incisif, d'autres fois plus lent et très souple, permet aux images et aux plans de respirer. Tout l'aspect pédagogique, l'insistance de certaines affirmations et citations sont distillées par le biais d'une grande variété de styles et de matériaux. Et les séquences se succèdent avec beaucoup de fluidité. Au début, dans les grandes avenues d'Alger, les scènes de défilés, de processions et de délégations venues d'un grand nombre de pays africains ne s'apparentent pas à des processions rigides, de type défilé du 1er mai sur la place rouge et ses dérivés, ou un peu dans l'esthétique nord-coréenne, parce que dans le film, la foule n'est pas uniforme. Des danses sont parfois improvisées entre les hôtes et les Algériens. L'accent est mis sur la convivialité et la fraternité. Lors des interventions orales, les entretiens filmés avec les artistes, les intellectuels ou les militants, des nuances apparaissent qui tiennent compte des spécificités de chaque situation. Mais en même temps, le colonialisme et l'impérialisme sont unanimement condamnés. Le reste peut donner lieu à des approches personnalisées. Ensuite, une part importante de ce film, ce que ce film apporte aussi, c'est qu'il y a une offensive qui s'effectue contre la négritude de Senghor. Souvent dans le film, on parle de négritude au sens général, mais il me semble que c'est plutôt Senghor qui est visé que Aimé Césaire. Aimé Césaire, en général, est tout le temps épargné. Pour des raisons, à mon avis, de protocole, mais ça, je ne sais pas exactement, il faudrait vérifier. Senghor n'est souvent pas cité nommément, mais il y a des allusions. Donc l'intitulé même de premier festival culturel panafricain est un camouflet apparent adressé au Festival mondial des Arts nègres qui a été organisé par le président et poète Senghor à Dakar en 1966. 1966, c'est aussi l'année de la tricontinentale qui s'est tenue à La Havane et qui accueille des leaders de mouvements de libération africains d'une grande ampleur tels que Amílcar Cabral, Mario de Andrade. D'ailleurs, si le Festival mondial des Arts nègres réunissait des Africains, des membres de la diaspora ou originaires du continent, des Afro-Américains par exemple, ainsi que des Européens qui appréciaient tel ou tel aspect de l'art africain, la partie nord, les pays du Maghreb et l'Égypte n'étaient pas très représentés. De plus, les détracteurs critiquaient surtout la présence importante de la France par la voix d'André Malraux, notamment. Est-ce que l'ancienne puissance impériale n'avait pas tenté d'utiliser cet événement pour ses intérêts et sa stratégie de politique étrangère, en utilisant par exemple la notion de francophonie? Voilà des questions auxquelles le Festival panafricain a voulu répondre. Est-ce que l'aspect politique surtout n'était pas un peu trop mis en sourdine dans le Festival dakarois? Est-ce que les luttes de décolonisation contre les Portugais ou contre l'apartheid en Afrique du Sud étaient suffisamment prises en considération? Surtout que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert sont très proches géographiquement du Sénégal. Donc pour le pouvoir algérien, pour la constellation panafricaine et les révolutionnaires du continent et d'ailleurs, il fallait, au-delà du précédent festival organisé par Senghor, voir agir comme s'il n'avait pas existé. D'où, à mon sens, l'appellation « premier festival culturel panafricain ». Donc l'attaque menée à Alger contre la version senghorienne de la négritude, donc je rappelle que Aimé Césaire n'est pas attaqué, vise les conceptions et l'attitude du poète président de son pays, le Sénégal, car beaucoup d'intellectuels et d'artistes de ce pays, tels que Paté Diagne ou le dramaturge Cheikh Ndiaye avaient été invités à Alger, ils sont visibles et audibles dans le film. Donc ce n'est pas un conflit national, c'est vraiment un conflit pour des optiques différentes. Et l'affirmation d'un panafricanisme révolutionnaire se démarque de la politique d'un Léopold Sédar Senghor, qui est jugé trop dépendant des grandes puissances européennes, et ses écrits aussi sont jugés conservateurs à l'époque, trop influencés par l'anthropologie coloniale, et une sorte d'humanisme consensuel, au final très vague. Vague et inefficace, dira même le béninois Stanislas Perrault Adotevi, dans son discours d'Alger, filmé par William Klein et ses équipes de tournage. Donc là, je voulais rappeler aussi que il y a eu un remontage du film Festival panafricain par William Klein, et le cinéaste et son monteur ont enlevé des scènes, des séquences avec René de Pestre, qu'on voyait la même année dans Mémoire du sous-développement, Memorias del sous-desarrollo à Cuba, qui a été tourné par Thomas Gutiérrez Alea. Et il y a aussi toute une progression. Il y a aussi un poète beat, donc afro-américain, qui s'appelle Ted Jones, et il y a aussi un linguiste qui s'appelle Paté Diagne. Et il y a toute une série de discussions sur l'art, en fait, sur l'africanisme, sur la question suivante, faut-il ou pas restituer les œuvres qui ont été prises en Afrique, qui ont été pillées dans le continent. Il y a toute une sorte d'interrogations qui sont mises... J'entends le sourire, mais de le dire dans le contexte qui est branlé, c'est peut-être ce qui fait sourire personne. Et donc il y a toute une discussion, mais une discussion dialectique, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une chose figée. Il y a souvent des renvois, et il y a une progression. Donc il y a d'une part des personnes qui pensent, donc Paté Diagne, qui émet l'hypothèse suivante. Pour lui, il faut... En fait, les œuvres sont disponibles. Il y a des conservateurs qui font leur travail, donc on peut aller à Londres ou à Paris les voir. Pour Ted Jones, ben, il n'en va pas du tout de la même manière. Pour lui, il dit « One of the great things ». Alors, je me permets de le dire, ce n'est pas pour être redondant, mais c'est parce que dans le montage DVD, en fait, ça a été supprimé. Donc, c'était bien aussi d'avoir la version de 69. Il dit « One of the great things I'd like to ask to all the Europeans ». Excusez mon anglais au passage, ça c'est moi qui m'exprime. And all these things is why they don't make a gesture right here in Algiers, right here in Africa to say this piece we have enslaved and kept in our homes, in our collection, we give them back to African people. Ensuite, on a plusieurs autres propositions qui sont faites, et René de Pestre dit, on parle beaucoup depuis le début de ce siècle de l'art nègre en général. Mais finalement, il y a un certain mythe de l'art nègre aussi. On établira des styles prochainement, des époques, des comparaisons. Peut-être renoncera-t-on à cette dénomination ethnique. Après tout, on ne dit jamais l'art blanc, n'est-ce pas? Donc, ensuite, il suggère un dépassement de la... Donc là, clairement, donc un dépassement de la domination a été suggéré, tout en soulignant le caractère paradoxal d'une telle dénomination. Après cette série de scénettes, la conclusion provisoire de Dépêche, on passe au discours de Stanislas Perrault Adotevi. Alors dans le film, dans la version actuelle, elle apparaît en fait tout de suite comme ça, il n'y a pas une introduction que je vous ai rappelée. Donc l'intervention de Stanislas Perrault Adotevi, qui est un intellectuel béninois, qui était fonctionnaire international et enseignant, qui a travaillé à l'UNESCO notamment. Et en fait, quand on écoute son intervention dans le film, on s'aperçoit que des phrases et des expressions ont été reprises quasiment telle qu'elle dans l'ouvrage qu'il a publié 3 ans après, qui s'appelle « Négritude et négrologue », qui est un pamphlet, donc au point de vue philosophique et théorique, contre la négritude. Et Henri Lopez, donc aussi un romancier, auteur par exemple du Pleurer et rire et de romans très intéressants, le rappelle aussi dans la préface de la réédition de cet ouvrage. Et Henri Lopez était présent aussi, mais son intervention n'avait pas été filmée par William Klein et son équipe. Et Stanislas Perrault Adetevi donc, se positionne aussi dans la lignée de Fanon, et il dit « La quête forcée des traditions, nous le disons après Fanon, est une banale recherche d'exotisme. » Et il nous livre sa conclusion, qui anticipe la proclamation, le mot d'ordre qui a été évoqué, surgissant à la fin du film, « La culture africaine sera révolutionnaire ou ne sera pas. » Et il dit « Il n'y a plus en Afrique de place pour une littérature en dehors du combat révolutionnaire. » À présent, effectuons l'équivalent d'un petit zoom arrière et adoptons une perspective d'ensemble. Le discours de Stanislas Perrault Adotevi contre la négritude vient en guise de conclusion provisoire à la deuxième partie qui a été consacrée aux préparatifs du festival. Et une telle formule est évidemment comparable à la célèbre formule de Fidel Castro, donc dans ses paroles aux intellectuels, dans la révolution l'artiste a tous les droits, en dehors il n'en a aucun. Les deux phrases ont la même visée, un but similaire. D'ailleurs le discours d'Adotevi sert aussi de transition vers la troisième partie, qui est consacrée au MPLA d'Angola, au FRELIMO du Mozambique, PAIGC de Guinée-Cap-Vert, à l'ANC d'Afrique du Sud, à travers une série d'entretiens personnels qui instaurent immédiatement un rapport intime et direct entre le spectateur et tel leader politique, qui n'est plus juste un leader politique, mais aussi un intervenant direct. Alors ce dispositif filmique permet de donner des éclairages au spectateur et d'associer les représentants politiques à leurs peuples respectifs, ainsi qu'à ces militants, soldats anonymes, qui font aussi l'histoire, on l'oublie trop souvent, au quotidien et au monde entier. Des dirigeants politiques donc comme Mario de Andrade, Agustino Neto et Amílcar Cabral étaient aussi des hommes de culture, des poètes, des hommes intéressés par la question de la culture. La culture était donc associée à la libération et à l'action. Il faut savoir que ce qui fait aussi un peu l'actualité de cette notion de culture révolutionnaire, c'est par rapport à cette réappropriation contre une anthropologie coloniale. Il faut le situer aussi dans cette dimension-là, à mon avis, dans une dimension aussi culturelle, qui n'est pas uniquement la révolution au sens 1917, même si elle a pu avoir des accords dans le cadre de la guerre froide avec tel ou tel bloc, et contre, ou peut-être aussi contre tel ou tel bloc. Et Agustino Nieto dit que la lutte d'indépendance est aussi une lutte pour la culture de notre pays. Nous accordons beaucoup d'indépendance à cet aspect dans l'activité du mouvement. Et Mario de Andrade, autre dirigeant du MPLA, dit aussi « Nous avons développé le thème de la culture et de la lutte de libération. » Ça veut dire le rôle de la culture dans la lutte de libération et inversement, le rôle de cette lutte de libération pour le développement dans notre culture. Et il dit « En tant que mouvement de libération de l'armée, nous avons dit et nous avons affirmé et prouvé que la culture a été une arme de combat au moment de la prise de conscience politique, au moment du déclenchement du combat du mouvement libérateur. Mais qu'en fait, à l'heure actuelle, avec la dynamique de la lutte de libération nationale, cette lutte est en elle-même un acte culturel. Donc c'est quelque chose de performatif, elle est le cadre matériel et permet les conditions idéales pour l'épanouissement de notre culture. Après ces appels à la mobilisation et surtout cette association de l'art et du politique, l'évocation de tout un arrière-plan et d'en passer d'un présent de lutte, il n'est plus possible de voir les productions artistiques, les concerts, les danses, les œuvres de théâtre qui sont montrées dans le festival panafricain de la même manière. C'est pour ça qu'à mon avis, le commentaire qui a été fait par ailleurs, excellent sur d'autres points, par Alain Bargala, qui compare le film plutôt à des films comme Woodstock, est à mon avis un peu disproportionné, parce que c'est le nouveau montage qui donne cette impression de vastes concerts, de répliques un peu africaines, de Watsax ou de Woodstock, alors qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'éléments historiques et politiques dans le film original. C'est peut-être aussi parce que le Festival de la Culture, l'édition 2009 du Festival panafricain de la culture avait une vision, disons, beaucoup plus dépolitisée. Les enjeux ont les mêmes, ne sont plus les mêmes, mais c'était une vision où il n'y avait plus du tout cette même cohérence intellectuelle, ce même enthousiasme. Enfin, nous sommes donc face à une matérialisation de la culture. Et surtout, les dernières séquences du film Festival panafricain marquent une sorte de crescendo. Et ils servent à réunir toutes les luttes africaines, à l'époque perçue comme ça, de Chiago à Maputo. Et nous sommes face à une matérialisation de la culture comme instrument d'affirmation d'une histoire et d'une identité autrefois niée par la colonisation. Nous sommes passés à la culture révolutionnaire, moyen de mobilisation et de conscientisation, voire même vecteur d'agitation. Or, cette association est paradoxale, car Festival panafricain, au fond, est une sorte d'objet atypique entre le film d'agitation, ou tout du moins entre le film militant et le documentaire sur l'art, le documentaire musical et le reportage tourné dans les maquis. Ou plutôt le reportage qui reprend des images tournées dans les maquis. Festival panafricain a été commandé par un État, l'Algérie, en soutien à des mouvements de libération, PAIGC, Black Panther, MPLA, FRELIMO. Il ne s'apparente donc pas tout à fait à un film tourné et diffusé clandestinement, à la manière du troisième cinéma défini par Solanas et Guettino. À ce propos, Solanas disait que, mes films, on les compare souvent aux films de Dziga Vertov et d'Eisenstein, et il dit, mais la différence, c'est que les cinéastes soviétiques avaient le pouvoir et l'État derrière eux, tandis que le cinéaste latino-américain des années 60 a la police et l'armée derrière lui. Il dit, c'est ça la différence. Et sinon, par contre, pour nuancer aussi ce propos, je voulais dire aussi que, en même temps, Festival panafricain d'Alger a été sélectionné et projeté au Festival de Cannes, Dans la section parallèle en 71, en apprenant tout à l'heure que Torre Bella aussi avait été sélectionné, on peut se demander si depuis quelques années il y a un problème chez les sélectionneurs de Cannes, mais ce serait un peu un aparté. Et enfin, paradoxalement, surtout, et ça c'est quand même important, c'est que le film a une sortie en France dans le réseau Art et Essai, devant une période qui est assez courte. Il n'a pas tellement fait parler de lui, Jean-Louis Borry a écrit un petit texte, Guillaume Bell l'a cité, mais sinon il a une vie assez proche. Alors après on peut faire, assez restreinte, pardon. Alors après on peut faire des hypothèses. L'hypothèse que j'ai eue un peu la plus sûre, c'est que le gouvernement, sa politique avait changé, il voulait plutôt s'orienter vers le, comment, au point de vue international, vers la sphère, disons, plutôt du Moyen-Orient et arabe. Il y avait les problèmes avec le Maroc, donc la dimension africaine était un peu mise en sourdine. Mais en tout cas, c'était quand même tout à fait étonnant qu'un tel film n'ait pas circulé ensuite. Et enfin, le contexte donc, du XXIe siècle n'est plus celui des luttes d'indépendance. D'ailleurs, on a déjà fêté le cinquantenaire de plusieurs nations africaines, et qui sont nouvellement libres, bien sûr, d'indépendance africaine. Cependant, il est probable que certaines questions soulevées dans le Festival panafricain d'Alger demeurent d'actualité, comme le sens de l'histoire, des choses comme ça. Et pour poursuivre le dialogue en images avec le film de William Klein et les luttes d'indépendance africaine, je vais vous montrer l'extrait d'un documentaire de Piero Nelli qui s'appelle La Banda Negro, qui a été tourné dans les maquis et les zones libérées de Guinée-Bissau en 66 et projeté à Alger devant le festival de 69. Il a été tourné au moment où Maria Omaret tournait aussi dans la même région, on l'aperçoit dans le film. Et là, je vais montrer un extrait, en fait. L'extrait que je voulais montrer, que je ne vais pas montrer, c'était le générique du film, où on entendait une bande sonore dynamique qui annonçait, selon moi, un petit peu le Festival panafricain et l'heure des brasiers. Et sinon, un intertitre aussi dans la traduction nous apprenait que le film a été montré à l'ONU. Et on sait que, par exemple, lors de la guerre d'Algérie, il y avait eu un recours systématique à ce genre de méthode, parce qu'en France, en fait, il n'était pas possible pour eux de montrer des films favorables à l'indépendance, donc ils montraient des films à l'ONU. Par exemple, et souvent, en fait, on enlevait les crédits dans les génériques. Pierre Clément avait montré celui sur Sidi Youssef, René Bottier, Algérie en flammes. Donc c'était là, il y a vraiment une tradition de montrer des films à l'ONU. Après aussi, pour l'affaire du Sahara occidental, il y a eu aussi des films qui ont été montrés à l'ONU, comme ceux de Jocelyne Saab, par exemple. Et le premier extrait, donc, ce sera ça. Et donc, le film de Piero Nelli. Et ensuite, donc, l'extrait que je vous montrerai, pardon, se situe vers la dernière moitié du film, et il montre une action de guérilla avec une attaque et une retraite rapide, mais qui est filmée du côté des indépendantistes. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est parce que malheureusement, je ne dis pas malheureusement dans un sens de jugement de valeur, mais on connaît mieux les images de Chris Marker et de Sans Soleil, mais pour moi, ces images sont situées dans la même lignée, ont un dialogue, instaurent vraiment un dialogue entre elles. Et ensuite, vous verrez un court-métrage, donc ça dure 4 minutes. Ensuite, vous allez voir un court-métrage dans son intégralité. Le court-métrage, il s'appelle Le Glas, il dure 5 minutes. Et en fait, il est signé Ferry Dendeni, qui est le pseudonyme de René Vautier. Donc, ce film rend hommage à la lutte de 3 révolutionnaires africains qui ont été pendus par le régime raciste de Ian Smith au Zimbabwe, qui s'appelle alors la Rhodésie du Sud. Malgré la grâce qui leur avait été accordée par la reine d'Angleterre, Ian Smith les avait fait exécuter. Et la voix que l'on entend le plus longtemps dans le film est celle du grand cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty. Et souvent, en fait, c'est quelque chose de méconnu, même les personnes qui apprécient à juste titre les très beaux films de Djibril Diop Mambéty ne connaissent pas forcément sa participation à ce film. Et là, on entend une musique, en fait, qui apparemment, qui n'est pas une musique faite pour le film, mais d'après René Vautier, ce sont des militants Black Panthers à Alger qui lui ont remis un disque, un vinyle, pour qu'il puisse passer cette musique. Et donc, il a fait, avec très très peu de moyens, avec le chef opérateur Ali Maroc, qui a travaillé aussi sur la bataille d'Alger, Festival panafricain, ce petit film, qui est pour moi une belle incarnation de l'espoir, aussi d'une inventivité avec très peu de moyens. Et je vous laisse donc